The French Pod Audio Review. Let's start with the vocabulary. To take. Prendre. Beer. La bière. Light beer. Blonde. Dark beer. Brune. To prefer. Préféré. Now, a bit faster. Dark beer. Brune. To take. Prendre. To prefer. Préféré. Dark beer. Brune. Beer. La bière. To take. Prendre. Dark beer. Brune. Light beer. Blonde. Dark beer. Brune. To prefer. Préféré. To take. Prendre. Now, use the words in context. Prendre. I'm going to have a coffee. Je vais prendre un café. La bière. He wants a beer. Il veut une bière. Blonde. I prefer light beer. Je préfère la bière blonde. Brune. Dark beer is bitter. La bière brune est amère. Préférée. I prefer wine. Je préfère le vin. Blonde. I prefer light beer. Je préfère la bière blonde.